Chers petits amis, je vais vous lire l'histoire du groupe Oli les Mômes, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Claudette. Elle fera tinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, 6 jeunes garçons, beaux comme des Apollons, pleins de charme, d'humour, de générosité, de talent, de génie, d'inventivité, de courage, de force et de sex appeal. Bref, 6 mecs, plutôt bien membrés et sacrément burnés. Et de 7, c'est le nombre de César qui a remporté hier soir le spectacle de 13 ans. De retour à l'après-mission spéciale, celle-ci, on en parle. Nous avons en ligne Alain. Bon, enfin, il y avait du monde. Alain, il y a 15 week-ends, je suis dit, il y a un beau qui a un Alain. A remporté le soir, pour le chien de Thomas.